La promenade du sceptique. Discours préliminaire. Les prétendus connaisseurs en fait de style chercheront vainement à me déchiffrer. Je n'ai point de rang parmi les écrivains connus. Le hasard m'a mis la plume à la main, et trop de dégoût accompagne la condition d'auteur pour que dans la suite je me fasse une habitude d'écrire. Voici à quelle occasion je m'en suis avisé pour cette fois. Appelé par mon rang et par ma naissance à la profession des armes, je l'ai suivi, malgré le goût naturel qui m'entraînait à l'étude de la philosophie et des belles lettres. J'ai fait la campagne de 1745 et je m'en glorifie. J'ai été dangereusement blessé à la journée de Fontenoy, mais j'ai vu la guerre, j'ai vu mon roi augmenter l'ardeur de son général par sa présence, le général transmettre à l'officier son esprit, l'officier soutenir l'intrépidité du soldat, le Hollandais contenu, l'Autrichien repoussé, l'Anglais dispersé et ma nation victorieuse. À mon retour de Fontenoy, j'allais passer le reste de l'automne au fond d'une province, dans une campagne assez solitaire. J'étais bien résolu de n'y voir personne, ne fût-ce que pour observer plus rigoureusement le régime qui convenait à ma convalescence. Mais mes semblables ne sont faits ni pour vivre inconnus, ni pour être négligés. C'est la malédiction de notre état. Sitôt qu'on me sut à C, la compagnie me vint de toutes parts. Ce fut une persécution, et je ne pus jamais être seul. Il n'y eut que vous, mon cher Cléobule, mon digne et respectable ami, qui ne parut point. Je reçus, je crois, toute la terre, excepté le seul homme qu'il me fallait. Je n'ai gardé de vous en faire un reproche. Était-il naturel que vous abandonnassiez les amusements de votre chère solitude pour venir sécher d'ennui parmi la foule d'oisifs dont j'étais obsédé? Cléobule a vu le monde et s'en est dégoûté. Il s'est réfugié de bonne heure dans une petite terre qui lui reste des débris d'une fortune assez considérable. C'est là qu'il est sage et qu'il vit heureux. Je touche à la cinquantaine, me disait-il un jour. Les passions ne me demandent plus rien et je suis riche avec la centième partie de revenus qui me suffisait à peine à l'âge de 25 ans. Si quelque jour un heureux hasard vous conduit dans le désert de Cléobule, vous y verrez un homme d'un abord sérieux mais poli. Il ne se répandra point en longs compliments, mais comptez sur la sincérité de ceux qu'il vous fera. Sa conversation est enjouée sans être frivole. Il parle volontiers de la vertu, mais du ton dont il en parle, on sent qu'il est bien avec elle. Son caractère est celui même de la divinité, car il fait le bien, il dit la vérité, il aime les bons, et il se suffit à lui-même. On arrive dans sa retraite par une avenue de vieux arbres qui n'ont jamais éprouvé les soins ni le ciseau du jardinier. Sa maison est construite avec plus de goût que de magnificence. Les appartements sont moins spacieux que commodes. Son ameublement est simple mais propre. Il a des livres en petit nombre, un vestibule orné des bustes de Socrate, de Platon, d'Atticus, de Cicéron, conduit dans un enclos qui n'est ni bois, ni prairie, ni jardin. C'est un assemblage de tout cela. Il a préféré un désordre toujours nouveau à la symétrie qu'on sait en un moment. Il a voulu que la nature se montrât partout dans son parc. Et en effet, l'art ne s'y aperçoit que quand il est un jeu de la nature. Si quelque chose semble y avoir été pratiqué par la main des hommes, c'est une sorte d'étoile où on concourt quelques allées qui resserrent entre elles un parterre moins étendu qu'irrégulier. C'est là que j'ai joui 100 fois de l'entretien délicieux de Cléobule et du petit nombre d'amis qu'il y rassemble. Car il en a et ne craint pas de les perdre. Voici par quel secret il sait les conserver. Il n'a jamais exigé d'aucun qu'il conformât ses sentiments aux siens, et il ne les gêne non plus sur leurs goûts que sur leurs opinions. C'est là que j'ai vu le Pyrrhonien embrasser le sceptique se réjouir des succès de l'athée, l'athée ouvrir sa bourse au déiste, le déiste faire des offres de service aux spinozistes. En un mot, toutes les sectes de philosophes rapprochées et unies par les liens de l'amitié. C'est là que réside la concorde, l'amour de la vérité, la franchise et la paix. Et c'est là que jamais, ni scrupuleux, ni superstitieux, ni dévot, ni docteur, ni prêtre, ni moine, n'a mis le pied. Ravi de la naïveté des discours de Cléobule et d'un certain ordre que j'y voyais régner, je me plus à l'étudier et je remarquai bientôt que les matières qu'il entamait étaient presque toujours analogues aux objets qu'il avait sous les yeux. Dans une espèce de labyrinthe formé d'une haute charmille coupée de sapins élevés et touffus, il ne manquait jamais de m'entretenir des erreurs de l'esprit humain, de l'incertitude de nos connaissances, de la frivolité des systèmes de la physique et de la vanité des spéculations sublimes de la métaphysique. Ravi de la naïveté des discours de Cléobule et d'un certain ordre que j'y voyais régner, je me plus à l'étudier et je remarquai bientôt que les matières qu'il entamait étaient presque toujours analogues aux objets qu'il avait sous les yeux. Dans une espèce de labyrinthe formé d'une haute charmille coupée de sapins élevés et touffus, il ne manquait jamais de m'entretenir des erreurs de l'esprit humain, de l'incertitude de nos connaissances, de la frivolité des systèmes, de la physique et de la vanité des spéculations sublimes de la métaphysique. Assis au bord d'une fontaine, s'il arrivait qu'une feuille détachée d'un arbre voisin et portée par le zéphyr sur la surface de l'eau en agita le cristal et en troubla la limpidité, et me parlait de l'inconstance de nos affections, de la fragilité de nos vertus, de la force des passions, des agitations de notre âme, de l'importance et de la difficulté de s'envisager sans prévention et de se bien connaître. Transporté sur le sommet d'une colline qui dominait les champs et les campagnes d'alentour, il m'inspirait le mépris pour tout ce qui élève l'homme sans le rendre meilleur. Il me montrait mille fois plus d'espace au-dessus de ma tête que je n'en avais sous mes pieds, et il m'humiliait par le rapport évanouissant du point que j'occupais à l'étendue prodigieuse qui s'offrait à ma vue. Redescendu dans le fond d'une vallée, il considérait les misères attachées à la condition des hommes et m'exhortait à les attendre sans inquiétude et à les supporter sans faiblesse. Une fleur lui rappelait ici une pensée légère ou un sentiment délicat. Là, c'était au pied d'un vieux chêne ou dans le fond d'une grotte qu'il retrouvait un raisonnement nerveux et solide, une idée forte, quelques réflexions profondes. Je compris que Cléobule s'était fait une sorte de philosophie locale, que toute sa campagne était animée et parlante pour lui, que chaque objet lui fournissait des pensées d'un genre particulier, et que les ouvrages de la nature étaient, à ses yeux, un livre allégorique où il lisait mille vérités qui échappaient au reste des hommes. Pour m'assurer davantage de ma découverte, je le conduisis un jour à l'étoile dont j'ai parlé. Je me souvenais qu'en cet endroit, il m'avait touché quelque chose des routes diverses par lesquelles les hommes s'avancent vers leur dernier terme, et j'essayais, s'il ne reviendrait pas dans ce lieu, à la même matière, que je fus satisfait de mon expérience. Combien de vérités importantes et neuves n'entendis-je pas? En moins de 2 heures que nous passâmes à nous promener de l'allée des épines dans celle des marronniers et de l'allée des marronniers dans son parterre, il épuisa l'extravagance des religions, l'incertitude des systèmes de la philosophie et la vanité des plaisirs du monde. Je me séparai de lui, pénétré de la justesse de ses notions, de la netteté de son jugement et de l'étendue de ses connaissances. Et, de retour chez moi, je n'eus rien de plus pressé que de rédiger son discours, ce qui me fut d'autant plus facile que, pour se mettre à ma portée, Cléobule avait affecté d'emprunter des termes et des comparaisons de mon art. Je ne doute point qu'en passant par ma plume, les choses n'aient beaucoup perdu de l'énergie et de la vivacité qu'elles avaient dans sa bouche, mais j'aurais du moins conservé les principaux traits de son discours. C'est ce discours que je donne aujourd'hui sous le titre de « La promenade du sceptique » ou de l'entretien sur la religion, la philosophie et le monde. J'en avais déjà communiqué quelques copies, elles se sont multipliées. Et j'ai vu l'ouvrage si monstrueusement défiguré, dans quelques-unes, que, craignant que Cléobule, instruit de mon indiscrétion, ne m'en sût mauvais gré, j'allais le prévenir, solliciter ma grâce, et même obtenir la permission de publier ses pensées. Je tremblais en lui annonçant le sujet de ma visite. Je me rappelais l'inscription qu'il avait fait placer à l'entrée de son vestibule. C'est un Beatus qui moriens fefelit, en marbre noir. Et je désespérais du succès de ma négociation. Mais il me rassura, me prit par la main, me conduisit sous ses marronniers et m'adressa le discours suivant. Je ne vous blâme point de travailler à éclairer les hommes. C'est le service le plus important qu'on puisse se proposer de leur rendre, mais c'est aussi celui qu'on ne rendra jamais. Présenter la vérité à de certaines gens, c'est, disait ingénieusement un de nos amis, un jour que je m'entretenais avec lui sous ses ombrages, introduire un rayon de lumière dans un nid de hibou. Il ne sert qu'à blesser leurs yeux et à exciter leurs cris. Si les hommes n'étaient ignorants que pour n'avoir rien appris, peut-être les instruirait-on, mais leur aveuglement est systématique. Artistes n'avaient pas seulement affaire à des gens qui ne savent rien, mais à des gens qui ne veulent rien savoir. On peut détromper celui dont l'erreur est involontaire. Mais par quel endroit attaquer celui qui est en garde contre le sens commun? Ne vous attendez donc pas que votre ouvrage serve beaucoup aux autres, mais craignez qu'il ne vous nuise infiniment à vous-même. La religion et le gouvernement sont des sujets sacrés, auxquels il n'est pas permis de toucher. Ceux qui tiennent le timon de l'Église et de l'État seraient fort embarrassés s'ils avaient à nous rendre une bonne raison du silence qu'ils nous imposent. Mais le plus sûr est d'obéir et de se taire, à moins qu'on ait trouvé dans les airs quelques points fixes, hors de la portée de leurs traits, d'où l'on puisse leur annoncer la vérité. Je conçois, lui répondis-je, toute la sagesse de vos conseils, mais sans m'engager à les suivre, oserais-je vous demander pourquoi la religion et le gouvernement sont des sujets d'écrire qui nous sont interdits? Si la vérité et la justice ne peuvent que gagner à mon examen, il est ridicule de me défendre d'examiner. En m'expliquant librement sur la religion, lui donnerais-je une atteinte plus forte que celle qu'elle reçoit de la défense qu'on me fait de m'expliquer? Si le célèbre Cochin, après avoir établi les moyens de sa cause, s'était avisé de conclure à ce que la réplique fût interdite à sa partie, quelle étrange idée n'eût-il pas donné de son droit? Que l'esprit d'intolérance anime les Mahométans, qu'ils maintiennent leur religion par le fer et par le feu, ils sont conséquents. Mais que des gens qui se disent imitateurs d'un maître qui apporta dans le monde une loi d'amour, de bienveillance et de paix, la protègent à main armée, c'est ce qui n'est pas supportable. Ont-ils donc oublié l'aigreur avec laquelle réprimant ses disciples impétueux qui le sollicitaient d'appeler le feu du ciel sur des villes qu'ils n'avaient point eu le talent de persuader? En un mot, les raisonnements de l'esprit fort sont-ils solides? On a tort de les combattre? Sont-ils mauvais? On a tort de les redouter? On pourrait vous répondre, reprit Cléobule, qu'il y a des préjugés dans lesquels il est important d'entretenir le peuple. Et quels? Lui répartis-je vivement. Quand un homme admet une fois l'existence d'un Dieu, la réalité du bien et du mal moral, l'immortalité de l'âme, les récompenses et les châtiments à venir, qu'a-t-il besoin de préjugés? Lorsqu'il sera profondément initié dans les mystères de la transsubstantation, de la consubstantation, de la trinité, de l'union hypostatique, de la prédestination et l'incarnation et le reste, en sera-t-il meilleur citoyen? Quand il serait 100 fois mieux que le sorboniste le plus habile, si les trois personnes divines sont trois substances distinctes et différentes, si le Fils et le Saint-Esprit sont tout-puissants, ou s'ils sont subordonnés à Dieu le Père, si l'union des trois personnes consiste dans la connaissance intime et mutuelle qu'elles ont de leurs pensées et de leurs desseins, s'il n'y a point de personnes en Dieu, si le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois attributs de la divinité, sa bonté, sa sagesse et sa puissance, si ce sont trois actes de sa volonté, la création, la rédemption et la grâce, si ce sont deux actes ou deux attributs du Père, la connaissance de lui-même par laquelle le Fils est engendré et son amour pour le Fils, d'où procède le Saint-Esprit, si ce sont trois relations d'une même substance considérées comme incréées, engendrées et produites, ou si ce ne sont que trois dénominations, en serait-il plus honnête homme? Non, mon cher Cléobule, il concevrait toute la vertu secrète de la personnalité, de la consubstantialité, de l'homo, de l'homousios et de l'hypostase, qu'il pourrait n'être qu'un fripon. Le Christ a dit « Aimez Dieu de tout votre cœur, et votre prochain comme vous-même. » Voilà la loi et les prophètes. Il avait trop de jugement et d'équité pour attacher la vertu et le salut des hommes à des mots vides de sens. Cléobule, ce ne sont point les grandes vérités qui ont inondé la terre de sang. Les hommes ne se sont guère entretués que pour des choses qu'ils n'entendaient point. Parcourez l'histoire ecclésiastique et vous serez convaincus que si la religion chrétienne eût conservé son ancienne simplicité, que si l'on eût exigé des hommes que la connaissance de Dieu et l'amour du prochain, que si, l'on n'eût point embarrassé le christianisme d'une infinité de superstitions qui l'ont rendu, dans les siècles à venir, indigne d'un dieu aux yeux des gens sensés. En un mot, que si l'on eût prêché aux hommes qu'un culte dont ils eussent trouvé les premiers fondements dans leur âme, ils ne l'auraient jamais rejeté et ne se seraient point querellés après l'avoir admis. L'intérêt a engendré les prêtres. Les prêtres ont engendré les préjugés. Les préjugés ont engendré les guerres. Et les guerres dureront tant qu'il y aura des préjugés. Les préjugés tant qu'il y aura des prêtres. Et les prêtres tant qu'il y aura de l'intérêt à l'être. Aussi, continua Cléobule, il me semble que je suis au temps de Paul dans Éphèse et que j'entends de toutes parts les prêtres répéter les clameurs qui s'élevèrent jadis contre lui. Si cet homme a raison, s'écrieront ces marchands de reliques, c'est fait de notre trafic. Nous n'avons qu'à fermer nos ateliers et mourir de faim. Artis, si vous m'en croyez, vous préviendrez cet éclat. Vous renfermerez votre manuscrit et ne le communiquerez qu'à nos amis. Si vous êtes flatté du mérite de savoir écrire et penser, c'est un éloge qu'ils seront forcés de vous accorder. Mais si, jaloux d'une réputation plus étendue, l'estime et la louange sincère d'une petite société de philosophes ne vous suffisent pas, donnez un ouvrage que vous puissiez avouer. Occupez-vous d'un autre sujet. Vous en trouverez mille pour un qui prêteront, et même davantage, à la légèreté de votre plume. Quant à moi, Cléobule, lui répondis-je, j'ai beau considérer les objets qui m'environnent. Je n'en aperçois que deux qui méritent mon attention, et ce sont précisément les seuls dont vous me défendez de parler. Imposez-moi silence sur la religion, le gouvernement, et je n'aurai plus rien à dire. En effet, que m'importe que l'académicien X ait fait un insipide roman, que le père Y ait prononcé en chair un discours académique, que le chevalier de Z nous inonde de misérables brochures, que la duchesse W mendie les faveurs de ses pages, que le fils du duc V soit alors son père ou à un autre, que D compose ou fasse composer ses ouvrages. Tous ces ridicules sont sans conséquence. Ces sottises ne touchent ni à votre bonheur ni au mien. La mauvaise histoire de W serait par impossible 4 fois plus mauvaise encore, que l'État n'en serait ni mieux ni plus mal réglé. Ah, mon cher Cléobule, cherchez-nous, s'il vous plaît, des sujets plus intéressants, ou souffrez que nous nous reposions. Je consens, prit Cléobule, que vous vous reposiez tant qu'il vous plaira. N'écrivez jamais, s'il faut que vous perdiez par un écrit. Mais si c'est une nécessité que vous trompiez votre loisir aux dépens du public, que n'imitez-vous le nouvel auteur qui s'est exercé sur les préjugés? Je vous entends, Cléobule. Vous me conseillez, lui dis-je, de traiter les préjugés du public de manière à faire dire que je les ai tous. Y pensez-vous? Et quel exemple proposez-vous là? Lorsqu'on m'annonça cet ouvrage, bon, dis-je en moi-même, voilà le livre que j'attendais. Où le vend-on? Demandai-je tout bas. Chez G, rue Saint-Jacques, me répondit-on sans mystère. Quoi non? Ajoutai-je toujours en moi-même. Quel connaître censeur aurait-il le courage de sacrifier sa pension à l'intérêt de la vérité? Ou l'ouvrage serait-il assez mal fait pour qu'un censeur ait pu l'approuver, sans exposer sa petite fortune? Je lus, et je trouvai que l'approbateur n'avait rien risqué. Ainsi, votre avis, Cléobule, est que je n'écrive point, ou que je fasse un mauvais livre? Sans doute, répondit Cléobule. Il vaut mieux être mauvais auteur en repos que bon auteur persécuté. Un livre qui dort, disait sensément un auteur d'ailleurs assez extravagant, ne fait mal à personne. Je tâcherai, lui répliquai-je, de faire un bon livre et d'éviter la persécution. Je le souhaite, dit Cléobule, mais un moyen sûr de satisfaire votre goût, sans irriter personne, ce serait de composer une longue dissertation historique, dogmatique et critique, que personne ne lirait, et à laquelle les superstitieux seraient dispensés de répondre. Vous auriez l'honneur de reposer sur le même rayon entre Jean Hus, Saussin, Zwingli, Luther et Calvin, et l'on se souviendrait à peine dans un an d'ici que vous avez écrit. Au lieu que si vous le prenez sur le ton de Bayle, de Montaigne, de Voltaire, de Barclay, de Wollstone, de Swift, de Montesquieu, vous risquerez sans doute de vivre plus longtemps. Mais que cet avantage vous coûtera cher. Mon cher Ariste, connaissez-vous bien ceux à qui vous vous jouez? Il vous sera échappé que l'homuncius est un mot vide de sens. Vous serez donc un athée. Mais tout athée est un damné. Et tout damné est bon à brûler, dans ce monde et dans l'autre. En conséquence, cette induction charitable serait persécutée, poursuivie. Satan est le ministre de la colère de Dieu. Et il n'y tient jamais à ces gens, disait un de nos amis, qu'ils ne soient les ministres de la fureur de Satan. Les gens du monde s'amuseront des peintures satiriques que vous avez faites de leurs mœurs. Les philosophes riront du ridicule que vous jetez à pleine main sur leurs opinions. Mais les dévots n'entendent point raillerie. Je vous en avertis. Ils prennent tout au sérieux. Et ils vous pardonneraient plutôt sans raisonnement qu'un bon mot. Mais pourriez-vous m'apprendre, mon cher Clubule, lui répondis-je, par quelle raison les théologiens sont ennemis de la plaisanterie? Il est décidé que rien n'est plus utile que la bonne. Il me semble que rien n'est plus innocent que la mauvaise. Mal appliquer le ridicule, c'est souffler sur une glace. L'humidité de la laine disparaît d'elle-même, et le cristal reprend son éclat. En vérité, il faut ou que ces graves personnages soient de mauvais plaisants, ou qu'ils ignorent que le vrai, le bon et le beau ne sont pas susceptibles de ridicule, ou qu'ils aient un violent soupçon que ces qualités leur sont étrangères. C'est le premier sans doute, dit Clubule, car je ne sais rien qui ait plus mauvaise grâce qu'un théologien qui fait le plaisant, et si ce n'est peut-être un jeune militaire qui fait le théologien. Mon cher artiste, vous avez un rang dans le monde. Vous y portez un nom connu. Vous avez servi avec distinction. On a des preuves de votre probité. Personne ne s'est encore avisé, ni ne s'avisera, je pense, de vous refuser de la figure et de l'esprit. Il faut même vous en trouver et vous connaître pour être à la mode. En vérité, la réputation de bon écrivain ajoutera si peu à ses avantages que vous pourriez la négliger. Mais avez-vous bien réfléchi sur les suites de celles d'auteurs médiocres? Savez-vous que 1000 âmes basses, jalouses de votre mérite, attendent avec impatience que vous preniez quelques travers pour ternir impunément toutes vos qualités? Ne vous exposez point à donner cette misérable consolation à l'envie. Laissez-la vous admirer, sécher et se taire. Nous eussions poussé la conversation plus loin. Il y a toute apparence que Clubule, qui m'avait ébranlé par ses premiers raisonnements, eut achevé d'étouffer en moi la vanité d'auteur, et que mon ouvrage, ou plutôt le sien, allait être mis pour jamais sous la clé. Lorsque le jeune sceptique, Alcifron, survint, se proposa pour arbitre de notre différend, et décida que, puisque l'entretien que nous avions eu sur la religion, la philosophie, le monde, courait manuscrit, il valait autant qu'il fût imprimé. Mais pour obvier à tous les inconvénients qui tiennent Clubule en alarme, je vous conseille, ajouta-t-il, de vous adresser à quelques sujets de ce prince philosophe que vous voyez quelquefois, le front ceint de laurier, se promener dans nos allées, se reposer de ses nobles travaux à l'ombre de nos marronniers. Celui que vous entendîtes dernièrement gourmander Machiavel avec tant d'éloquence et de bon sens. Passez dans ces états avec votre ouvrage et laissez crier les bigots. Cet avis s'accordait avec ma tranquillité, mes intérêts et mes vices, et je le suivis.